Moi j'ai le cœur balafré, des diplômes ben j'en ai pas. Moi j'aimerais bien connaître ma vie sans passer par les étapes. Quand j'écris ça me fait du bien, j'ai l'impression de revivre. Si tu comprends parce que j'écris alors prends le temps de me relire. Pas. Ok, moi c'est brelique et ma vie c'est un enfer. Si ma musique est meurtrière alors je mérite qu'on m'enferme. Des fois je repense à mes proches, à tous ceux qui m'ont lâché, à tous ceux qui ont oublié qu'ensemble on a appris à marcher. En plus de ça je te jure, des fois je suis calme et des fois non. Ça dépend de mon humeur, maintenant faut que j'envoie le canon. Si je verse pas mes larmes, essaye de demander pourquoi. Si j'ai des sous, je les claque dans le shit alors qu'avant c'était pour boire. Putain la vie c'est chaud alors maintenant ça me fout la rage. Dans les poches y'a pas d'argent, voilà pourquoi on part à la grade. Dans ma vie c'est régulier, y'a le rap et plus l'argent. J'ai obtenu aucune médaille, ni celle de bronze ou même d'argent. Si la vie est simple, alors pourquoi j'ai rien compris. Le rap c'est ma passion, pourtant je te jure que chez moi je suis incompris. J'ai plus grand chose à dire, alors j'aimerais que tu comprennes. Que dans ma vie c'est clair, mais que c'est dans la rue qu'on traîne. C'est mon deuxième couplet, mon rap est venu couper des têtes. J'ai pas besoin d'être un médium pour voir plus tard j'aurai des dettes. Le bonheur n'existe pas à part pour ceux qui ont de la chance. Regarde-moi, j'ai pas d'argent alors j'enregistre dans ma chambre. Ma tête est pleine de chagrin alors j'écris pour compenser. Je rappe bien, je rappe mal mais moi je ne sais plus quoi penser. Ok. Relique ma stress poteau.